Section 6 de La bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 6 L'arrivée. La nuit commençait alors à tomber. Et de nombreuses bougies éclairaient, conjointement avec le feu d'une vaste cheminée, la salle où se trouvaient les hôtes du château de Mercoeur. Les uns étaient encore à manger et à boire autour de la table que les domestiques chargeaient incessamment de nouveaux mets. Les autres se délassaient de leur fatigue devant le foyer. D'autres, enfin, formaient ça et là des groupes joyeux et animés. Cependant, quand Mademoiselle de Barjac parut, tout le monde vint à elle avec empressement. Christine eût bien désiré entrer seule et comme inaperçue, mais ce n'était pas le compte de Monsieur de Magnac. Le chevalier d'honneur ne voulait pas perdre cette excellente occasion de remplir son devoir en présence d'une si brillante assemblée. À la porte de la salle, il s'était emparé de la main de sa jeune maîtresse et, les bras écartés du corps, la bouche souriante, la pointe du pied en avant, y conduisait Christine avec une gravité, une lenteur, un respect étudié qui devait impatienter fort l'irascible enfant gâté. Toutefois, elle supporta mieux qu'on ne s'y serait attendu les compliments, les mignardises, les caresses dont on l'accablait à l'envi. Elle se laissa embrasser et cajoler par les dames qui l'appelaient « ma mignonne et ma toute belle ». Elle ne coupa pas court aux fadeurs que lui débitaient les vieux gentilshommes du temps de la Régence et les galantins à l'instar de Marly et de Versailles. Elle trouva même des mots gracieux pour certains invités et remercia tous les assistants avec politesse du service qu'ils allaient lui rendre en purgeant ses domaines de la terrible bête du Gévaudan. Enfin, elle fut si différente d'elle-même que plusieurs de ses hôtes ne pouvaient reconnaître la bizarre jeune fille dont on comptait tant de choses extraordinaires. Mais personne n'était plus frappé de ce changement inattendu que le chevalier de Magnac et la sœur Magloire. Ils se tenaient à quelques pas derrière leur maîtresse et la contemplaient avec un mélange d'admiration et de ravissement. « Parfaite, ma sœur !» murmura le chevalier en aspirant une prise de tabac d'Espagne. « Un ange, monsieur !» dit la religieuse en levant les yeux au ciel. Il fut au moins satisfait de ce qui suivit. La Roche-Boisseau s'était montrée des plus empressée auprès de Mademoiselle de Barjac, qui l'avait accueillie avec une familiarité amicale. Bientôt, prenant distraitement un siège, elle s'assit entre le baron et un jeune homme vêtu avec élégance, au regard vif, aux manières insinuantes, qui passait pour le confident de la Roche-Boisseau et le suivait partout. Ce jeune homme, qui doit jouer un rôle assez important dans cette histoire, s'appelait Le Gris. Il était fils d'un ancien procureur fort riche qui, depuis plusieurs années, avait su capter les bonnes grâces du baron en lui prêtant de l'argent. Sans doute, le gris père trouvait son compte à cet arrangement et le bruit courait qu'il s'était déjà fait donner en nantissement la plus belle portion des biens patrimoniaux du prodigue gentilhomme. Cependant, les relations les plus amicales existait en apparence entre la Roche-Boisseau et les Le Gris, père et fils. Ce dernier, quoique vilain et très vilain, avait voulu frayer avec la noblesse. La Roche-Boisseau s'était prêtée complaisamment à ce désir et avait introduit le jeune bourgeois dans la société de certains nobles débauchés comme lui, assez peu difficiles sur le choix de leurs compagnons. Grâce à ce patronage, Le Gris-fils était admis sur un pied d'égalité parmi ces gentilshommes de la décadence et, comme il avait toujours quelques louis à perdre au jeu, comme il s'habillait richement, enfin, il ne prenait pas trop à cœur quelques railleries plus ou moins fines sur sa roture, on le tolérait dans ses réunions aristocratiques. D'ailleurs, le baron, chef et meneur de ces assemblées, ne souffrait pas, tout en se moquant parfois de son protégé, que d'autres prissent la même liberté, et nul n'était assez hardi pour s'exposer à une colère que l'on savait redoutable. Maintenant, l'amitié de la Roche-Boisseau pour le fils de son usurier était-elle bien sincère? Voilà ce dont on doutait généralement. Les uns assuraient que le gris était pour le baron une sorte d'espion attaché à ses pas et chargé de surveiller ses démarches. D'autres assuraient, au contraire, que la Roche-Boisseau, en agissant ainsi, avait uniquement pour but de complaire à l'ancien procureur et qui se servait du fils pour arracher au père les plus grosses sommes possibles. D'ailleurs, le petit roturier jouait son rôle d'ami de manière à ne pas blesser l'orgueil fort irritable pourtant de son patron. Il se montrait envers lui d'une complaisance qui touchait à la servilité. La Roche-Boisseau ne pouvait dire un mot, accomplir l'acte le plus insignifiant, que l'autre ne le louât à outrance et ne l'accablât de flatterie. De plus, le gris était un agent sûr et habile dans toutes sortes de missions qui eussent répugné à la délicatesse d'un compagnon moins dévoué. À un homme du caractère du baron, il n'était donc pas incroyable qu'un pareil ami fût peu à peu devenu nécessaire, et peut-être la Roche-Boisseau avait-il pour lui une sorte d'affection, si toutefois la Roche-Boisseau pouvait aimer autre chose que lui-même. Les deux intimes avaient été séparés pendant quelques jours, mais le gris se fut cru déshonoré de ne pas assister à l'assemblée de Mercoire, et le gentilhomme, qui pensait avoir besoin des secours de son fidèle achat, n'avait pas manqué de lui faire envoyer une invitation. Il venait donc de se rejoindre au château, et Christine de Barjac, si gracieuse pour le baron, ne pouvait s'empêcher d'accueillir favorablement le gris qui se présentait sous ses auspices. La conversation s'animait de plus en plus entre ces trois personnes. Or, ni le chevalier ni Sœur Magloire n'étaient enchantés de cette circonstance. La Roche-Boisseau surtout, avec sa haute mine, ses manières assurées, son élégant uniforme bleu galonné d'argent, leur déplaisait fort. La figure longue du chevalier avait l'air de s'allonger encore, et la sœur, qui faisait tout à l'heure de si beaux rêves, recommença ses lamentables soupirs. Tous les deux s'approchèrent insensiblement pour écouter ce qui se disait dans ce groupe privilégié. « Morbleu, mademoiselle !» poursuivait le baron en affectant plus de rondeur encore qu'à l'ordinaire. Je suis honteux de penser que moi, si humble chasseur auprès des anciens seigneurs de Mercoire, je vais conduire une battue aux loups sur leur domaine. Cela me produit l'effet d'une profanation, et si votre désir, comme mon devoir, ne m'obligeait à remplir cette tâche, je l'eusse décliné par respect pour ces illustres veneurs dont il a été si grand bruit. Cet hommage rendu à la mémoire de ses parents produisit une vive impression sur Mademoiselle de Barjac. Ses yeux brillèrent d'un éclat inaccoutumé. « Ah ! Vous jugez bien mon père bien-aimé et mon excellent oncle Hilaire !» s'écria-t-elle. « De leur temps, jamais une bête sauvage ne se fut rendue redoutable dans nos bois comme celle qui nous cause tant de maux. Elle eût été prise ou tuée 24 heures après son premier méfait. Mais, poursuivait-elle en dominant son attendrissement, puisque ceux dont nous parlons ne sont plus là pour protéger eux-mêmes leurs propriétés, ils ne sauraient être remplacés par un veneur plus intrépide et plus habile que Monsieur de la Roche-Boisseau. Malgré la convenance de cette réponse, le chevalier et la sœur paraissaient de moins en moins satisfaits des progrès de leur élève. Ce fut bien pis quand elle ajouta « Du reste, moi, fille et nièce de ces chasseurs renommés, je ne resterai pas oisive lorsque tant de personnes de distinction vont s'employer à mon service. Comptez donc, messieurs, que vous me verrez demain à vos côtés pour partager vos fatigues et vos dangers. S'il y a des dangers, acheva-t-elle en souriant avec dédain. C'est parler en digne fille du brave comte de Barjac, s'écria le baron. Eh bien, mademoiselle, puisque vous voulez être des nôtres, vous permettrez bien au chef de la chasse de se constituer votre chevalier pour toute la journée de demain et de ne vous pas quitter d'un instant ? Très volontiers, monsieur le baron, reprit Christine avec simplicité, car le meilleur poste, je pense, sera près de vous. Et moi aussi, dit le gris en minaudant. Je sollicite l'honneur de figurer parmi les gardes du corps de mademoiselle de Barjac. Comme vous voudrez, monsieur le gris, répliqua Christine avec indifférence. Maniaque, en apprenant l'arrangement qui devait le destituer pour le lendemain de ses fonctions habituelles, pinça les lèvres, secoua la tête et murmura entre ses dents, de manière à n'être entendu que de la gouvernante. Messieurs les muguets, nous verrons bien. Cependant, la conversation était devenue générale. Ah, ça, baron, demanda monsieur de Lafrenat. Vous croyez donc que nous en finirons bientôt avec cette maudite bête qui s'est permis de s'installer sans congé dans le bois de notre charmante hôtesse? J'en suis sûr, mon cher comte. Et si mon noble ami le baron l'affirme, répliqua le gris avec complaisance, on ne doit conserver aucun doute. En matière de chasse, on n'est jamais sûr de rien, reprit Christine. Et mon père, qui faisait autorité sur ce point, avait habitude de dire « Mademoiselle a raison », interrompit la Roche-Boisseau. « Nul ne sait en effet d'avance comment une chasse finira. Cependant, nous ne négligerons rien pour que celle-ci ait tout le succès désirable. J'ai amené Badinot, mon meilleur limier, et je compte faire moi-même le bois demain aux premières lueurs du jour, afin de détourner la bête, s'il est possible. A-t-on appris quelques nouvelles frasques de ce méchant animal depuis l'accident d'hier soir ? Non pas que je sache, répliqua mademoiselle de Barjac. Il est toujours cantonné dans les fonds de la Monadière, à une ou deux lieues d'ici. Mais, ajouta-t-elle avec un léger accent d'inquiétude, voici l'heure où il pourrait bien encore se montrer dangereux. Et je ne vois pas arriver certains amis que nous attendons. Le chevalier et sœur Magloire échangèrent vivement quelques paroles à voix basse. Mais avant qu'ils eussent pu communiquer leurs observations à Christine, la Roche-Boisseau s'écria tout à coup en ricanant. « Sambleu, vous m'y faites penser. Je ne vois pas encore ici ces pauvres gens de l'abbaye de Frontenac que j'ai laissés à Langogne. Dans l'hôtellerie de la veuve Richard. Ils ont dû pourtant nous suivre de près. Est-ce que par hasard le loup les aurait mangés, comme il le craignait tant ? Sainte Vierge, que dit-il ? Murmura sœur Magloire en joignant les mains. Monsieur le baron, demanda Maniaque d'un air compassé, veut-il parler des respectables moines de Frontenac qui se serait attardé par les chemins ? Et, sans doute, répliqua la Roche-Boisseau d'un ton léger. Ils étaient deux, un jeune et un vieux, comme à l'ordinaire, et ils ont dû quitter Langogne peu de temps après moi. Il serait, ma foi, plaisant qu'ils se fussent égarés dans cet épais brouillard de la vallée et qu'ils fussent obligés de coucher au milieu des bois. Si cela est, quelles nuits vont passer ces pauvres airs? Ils réciteront assez de pater et d'ave pour purifier la forêt de tous les jurons dont auront pu la souiller les francs chasseurs présents et passés. Je gage que demain, malgré leurs frocs et leurs robes, on les trouvera juchés au plus haut de quelques faillards avec les nids de pies et d'écureuils. Le gris partit d'un éclat de rire. « Et dire, reprit-il en raillant, que s'ils sont bloqués par les loups sur leur arbre, comme le ménétrier de Quinsac, ils n'auront pas, comme lui, la ressource de lancer une musette gonflée de vent au milieu de la bande pour la mettre en fuite. » L'assistance rit à son tour de cette allusion à une anecdote très connue dans la localité. Mais on se tut aussitôt en voyant la maîtresse du logis froncer le sourcil. « Baron, » demanda-t-elle avec une agitation mal contenue, « connaissez-vous ces deux moines que vous avez vus à Langogne et pouvez-vous les nommer ?»« Je crois, » reprit La Roche-Boisseau d'un air d'indifférence, « que l'un était le père Bonaventure, le prieur de l'abbaye, et l'autre, ma foi, l'autre était... « Si je ne me trompe, le parent, le valet, le secrétaire du prieur, quelque chose comme cela. »« Plus de doute, » s'écria Christine, « c'est Léonce. »« Léonce, oui, en effet. Il m'a semblé qu'on appelait ainsi devant moi ce jeune gaillard. » La châtelaine s'était levée impétueusement. « Chevalier de Magnac, sœur Magloire, » reprit-elle, « donnez des ordres pour que mes gens se mettent sur le champ à la recherche de mes hôtes égarés. Qu'on parcourt la forêt avec des torches et des flambeaux, que l'on pousse des cris, que l'on sonne de la trompe. Mais, toute réflexion faite, je vais moi-même monter à cheval, ordonner à Morisseau de prendre l'alezan pour m'accompagner. » « Ah, merveille, mon enfant, vous avez un bon cœur !» murmura sœur Magloire. Les assistants observaient avec surprise l'agitation de la jeune châtelaine. « Vraiment, mademoiselle, » reprit La Roche-Boisseau avec gaieté, « je ne comprends pas cet excès de générosité. Quel grand mal quand ces dévots personnages passeraient la nuit blottis dans la feuillée ou perchés sur un arbre. Ce serait une occasion pour eux de méditer et de prier sans risquer autre chose qu'un rhume de cerveau. « Paix ! Monsieur le baron !» interrompit Christine avec sécheresse. « Je ne saurais souffrir de pareilles plaisanteries. Le père Bonaventure est le meilleur, le plus sage des religieux de l'abbaye, et il s'est toujours montré plein de bonté pour moi. Son neveu, monsieur Léonce, est mon ami d'enfance. Je ne me consolerais pas s'il arrivait malheur à l'un ou à l'autre. » « Quoi donc, monsieur de Magnac, êtes-vous encore là ? » poursuivait-elle en se tournant vers son écuyer d'honneur. « Je sors, mademoiselle, mais permettez-moi de vous représenter humblement que vous ne sauriez quitter à cette heure une si belle et si honorable compagnie pour venir avec nous battre la forêt. Il ne serait pas convenable. »« Convenable ! Convenable ! » répéta la fière jeune fille. « Voilà votre grand mot lâché, monsieur. »« Ah, ça ! Va-t-on discuter mes ordres ? Ne suis-je plus dame et maîtresse ici ? Mais, puisqu'on refuse de m'obéir, je vais monter à cheval et aller seule, s'il le faut. »« Mademoiselle ! » s'écria le baron. « Souffrez que je vous accompagne. »« Morbleu ! » ajouta-t-il à demi-voix. « J'ai souvent suivi à la piste des cerfs et des chevreuils. »« Mais jamais des moines, ce sera une chasse de nouvelle espèce. »« Je sollicite également l'honneur d'accompagner mademoiselle de Barjac, » dit le gris, prenant, selon l'habitude, son patron La Roche-Boisseau pour modèle et pour exemple. « et moi aussi !» s'écrièrent les chasseurs de tous les points de la salle. « À votre aise, messieurs, » dit la châtelaine. « De cette manière, on ne me reprochera pas de quitter la compagnie. Mais, hâtons-nous, il se fait tard. La nuit est noire et je crains. »« Que la paix du Seigneur soit avec vous !» dit tout à coup une voix faible du côté de la porte. Mademoiselle de Barjac et les personnes qui la suivaient s'arrêtèrent brusquement. À leur envie entrer, le père Bonaventure, en assez piteux équipage, et soutenant le pauvre Léonce qui marchait avec peine, enveloppé dans un manteau de pâtre. Les hôtes de Mercoire poussèrent des exclamations d'étonnement et quelques-uns de joie, car cette promenade nocturne leur agréait au fond que très médiocrement. Mademoiselle de Barjac montra une vive satisfaction. « Ah, mon révérend père, est-ce vous enfin ? » s'écria-t-elle en courant au-devant des voyageurs. « Soyez les bienvenus à Mercoire, vous et Monsieur Léonce. Nous commencions à être fort inquiets et nous allions nous mettre en campagne pour... » « Mais, bon Dieu, que vous est-il arrivé ?» Christine venait de remarquer le désordre du pauvre moine et la pâleur, l'abattement, la faiblesse de Léonce. « Vous le saurez bientôt, ma fille, » dit le prieur, « mais souffrez d'abord que je fasse asseoir ce cher enfant. Je ne sais pourquoi l'on nous a introduits ici pour troubler cette joyeuse réunion au lieu de nous conduire à notre chambre. Enfin, que le ciel soit loué, car il nous a manifestement aidés au moment du péril. » Tout en parlant, il avait conduit son neveu vers un fauteuil que sœur Magloire s'était empressée d'avancer. Le jeune homme paraissait encore plus embarrassé que souffrant, et l'attention générale dont il était l'objet avait attiré sur ses joues une rougeur passagère. Cette rougeur devint plus sensible encore quand ses yeux rencontrèrent ceux de Mademoiselle de Barjac. « Monsieur Léonce !» s'écria Christine, incapable de modérer son impatience. « Qu'avez-vous donc? Êtes-vous blessé? Oui, oui, mon Dieu, vos vêtements sont déchirés, vous êtes couvert de sang !»« Ce n'est rien, mademoiselle, presque rien, » répondit Léonce en s'efforçant de sourire. « Une simple égratignure de la bête du Gévaudan. »« La bête! Encore la bête !» s'écria Christine en frappant du pied avec une sorte de désespoir. « C'est miracle, ma fille !» Que nous soyons encore en vie, dit le prieur qui s'était aussi laissé tomber dans un fauteuil en gémissant. Ce pauvre garçon a été presque dévoré par l'animal féroce. Léonce, mon cher Léonce, est-il vrai? Demanda Mademoiselle de Barjac. Et l'on remarquera l'accent particulier avec lequel cette étrange fille, qui savait mal dissimuler ses impressions, avait prononcé ces mots. « Mon cher Léonce !» Le jeune homme continuait de sourire faiblement. « Mon oncle s'exagère le mal, » balbutia-t-il. « Et demain, sans doute, il n'y paraîtra plus. »« Peu !» dit le baron d'un ton dédaigneux. « Ce loup, dont on parle tant, fait décidément plus de peur que de mal, et les gens qui y dévorent ont l'air de se porter assez bien. » Léonce ne répondit pas à cette observation et détourna la tête, mais le prieur se redressa vivement. « Ah, monsieur La Roche-Boisseau, dit-il, est-ce vous? Eh bien, votre espoir, en nous laissant traverser seuls et sans armes les bois de Mercoire, s'est en partie réalisé. Que Dieu vous pardonne, monsieur, votre manque de charité. » « Cela veut dire sans doute, mon révérend père, » répliqua le baron en goguenardant, « que vous ne me pardonnez pas, vous ? Soit, j'ai pour habitude de ne m'effrayer de rien. » Sur les instances de Mademoiselle de Barjac, Bonaventure raconta brièvement comment le brouillard avait été cause qu'il s'était perdu dans la forêt, comment les mules, effrayées par des hurlements subis, s'étaient emportées, comment enfin... Léonce avait été désarçonné et eut infailliblement péri dans l'arrivée de Jean Godard et de son chien. « Jean Godard sera récompensé !» s'écria Mademoiselle de Barjac. « Entendez-vous, chevalier ? Je le nomme de ce moment bouilléré de tous mes domaines. » « Mais voyons votre blessure, Léonce. Sœur Magloire et moi, nous avons quelques connaissances en chirurgie. Nous pourrons poser un premier appareil en attendant le médecin que l'on ira chercher à la ville. « Quoi ? Mademoiselle, vous voulez vous-même, en présence de tant de monde ?»« Allons, pas d'enfantillage, mon Dieu ! Me prenez-vous pour une de ces prudes ridicules ? Je l'exige !» En même temps, avec une irrésistible autorité, elle écartait le grossier manteau dont Léonce était enveloppé. L'habit de velours, comme nous le savons, avait été déchiré, et par la déchirure saillait l'épaule blanche et délicate de l'adolescent. Quand tombèrent les mouchoirs ensanglantés dont on s'était servi pour le premier pansement, Le sang sortit de nouveau avec abondance d'une blessure large et profonde, quoique peut-être sans gravité réelle. « C'est une affreuse plaie !» dit Christine toute pâle et paraissant se froidir contre sa propre émotion. « Sœur Magloire, bien vite des linges et de l'eau fraîche, puis vous m'apporterez de la charpie et notre baume de famille. Que font donc ces sottes pécores de servantes? Les chairs ont été cruellement déchirées. » Cela, dit péremptoirement le baron, qui s'était glissé parmi les curieux et qui examinait la blessure à son tour, cela, une dentée d'un grand vieux loup, sur mon honneur de gentilhomme, je ne puis admettre semblable chose. Un animal tel que la bête du Gévaudan broie les os d'un seul coup de mâchoire et trace dans la chair avec ses griffes des sillons profonds de 2 pouces. Or, que l'on me montre ici la marque de ces énormes crocs, de ces griffes d'acier qui ont déjà fait tant de victimes dans ce pays. J'en appelle à tous les veneurs qui m'entendent, à tous ceux qui ont pu voir les horribles blessures dont sont couverts les chiens de meute à la suite d'une chasse au loup, quand l'animal a fait tête. Le soupçon que renfermaient ces paroles causa une certaine agitation à Léonce, malgré sa faiblesse et ses souffrances. « Monsieur, répliqua-t-il, j'avoue qu'étourdi par ma chute, embarrassé dans les ronces et les épines, je n'ai pu me retourner pour voir. « Ah ! Ah ! Ah ! » s'écria la Roche-Boisseau. « Vous êtes déjà beaucoup moins sûr de vous-même. Et puis, qu'est-ce que ce loup qui s'annonce en plein jour par des hurlements avant d'attaquer ? Ce ne peut être la bête du Gévaudan qui, d'après tous les rapports, a l'habitude de se jeter sur sa proie et de l'emporter en silence. Encore une fois, j'en appelle aux veneurs expérimentés ici présents. Est-il croyable qu'un animal féroce... Mais alors, monsieur le baron, reprit le prieur avec impatience, vous nous direz du moins, vous, si expert en pareille matière, quel animal inconnu a effrayé nos mules et déchiré ce malheureux enfant? La blessure existe, et elle n'est pas un rêve peut-être. Qui sait? Dit la Roche-Boisson en ricanant. La frayeur fait voir tant de choses. Une branche brisée aura très bien pu causer ce bobo à l'épaule blanchette de notre mignon. Et s'il faut absolument attribuer cette égratignure à quelque bête des bois, j'opinerais pour un chat sauvage, pour une fouine en belle humeur, ou tout au plus pour un louveteau encore en train de téter sa mère, mais jamais pour un grand vieux loup comme la bête du Gévaudan. Cette opinion, si nettement exprimée, excita une controverse parmi les assistants, et ils se mirent à chuchoter avec chaleur. Le père Bonaventure lui-même était ébranlé dans sa conviction. « Il est vrai, reprit-il, que ni moi ni personne nous n'avons vu l'animal, mais il me semble impossible. »« Vous l'entendez, messieurs, interrompit le baron d'un air triomphant. On finit par convenir que personne, au milieu de la terreur générale, n'a vu l'animal par corps. Je n'en demande pas davantage. Décidément, le révérend père et son gentil neveu se sont trop pressés de se présenter comme des martyrs et toute cette belle histoire se réduit, vous le voyez, à une vulgaire chute de cheval. Ces propos haineux, quoique frivoles en apparence, méritait une sévère réponse de la part du prieur, mais Bonaventure se contenta de hausser les épaules en adressant à la Roche-Boisseau un sourire méprisant. Cependant, Mademoiselle de Barjac n'avait pris aucune part à cette contestation. Absorbée par les soins qu'elle donnait aux blessés, elle ne semblait même pas entendre. Après avoir lavé elle-même la plaie, elle avait appliqué l'appareil préparé par la sœur Magloire, fort experte en pareille besogne. Le pansement achevé, Léonce voulut remercier la charmante châtelaine, mais soit qu'une émotion secrète l'agita trop fortement, soit que la perte de son sang eût causé dans son organisme une perturbation funeste, sa langue s'embrouilla dès les premiers mots, ses yeux se renfermèrent et il perdit connaissance. Cet événement mit l'assemblée en rumeur, mais nul ne s'en montra aussi effrayé que Christine, pourtant si courageuse et si supérieure aux faiblesses de son sexe. « Juste ciel, il se meurt !» s'écria-t-elle. « Aurait-il quelque autre blessure plus grave ? Sœur Magloire, révérend père, au secours, il va mourir !» Les gens de service couraient éperdus, sans savoir ce qu'ils faisaient. « Bah, ce n'est qu'une pâmoison !» disait la Roche-Boisseau tranquillement. « Jetez-lui un verre d'eau sur le visage. Cela suffit d'ordinaire pour faire revenir à elle les petites maîtresses. » Mais en dépit de tous les soins d'usage, l'évanouissement ne cessait pas. « Léonce, mon pauvre Léonce !» disait le prieur, les yeux pleins de larmes. « Léonce, mon ami d'enfance, mon frère bien-aimé !» appelait Christine. Enfin, ses voix amies semblèrent opérer une réaction salutaire. Le jeune homme poussa un léger soupir et entr'ouvrit les yeux. « Il vit !» s'écria Christine. Léonce, en effet, commençait à reconnaître les personnes dont il était environné. « Il faudrait maintenant, » dit Sœur Magloire, « le transporter dans la chambre qu'on a préparée pour lui. » Le calme et le sommeil achèveront de le rétablir. « Oui, oui, » reprit Mademoiselle de Barjac. « Ce bruit, ce mouvement doivent l'obséder. Pierre, » ajouta-t-elle en s'adressant à un robuste valet qui se tenait près de la porte, « prends Monsieur Léonce dans tes bras et transporte-le dans la chambre verte. Léonard marchera devant avec un flambeau. « Va doucement. Tu vois qu'il est blessé. » Pierre obéit. Comme il enlevait Léonce avec précaution, celui-ci poussa un cri douloureux. Christine fit un bond de panthère et leva la main pour frapper le serviteur maladroit. « Imbécile, butor !» reprit-elle. « Ne t'avais-je pas dit ?»« Allons, je vais t'aider, et malheur à toi si tu commets encore quelque gaucherie. Toi, Léonarde, précède-nous !» Tout en parlant, elle avait entouré de ses bras la taille du blessé et posé sur son épaule la tête pâle de Léonce. On eût dit d'une mère emportant son enfant endormi. Cette action, si contraire à leurs idées d'étiquette, stupéfia Sœur Magloire et le chevalier. Au moment où leur maîtresse allait sortir de la salle, Maniaque s'élança vers elle avec le courage du désespoir. « Mademoiselle, » dit-il précipitamment, « songez, de grâce, qui n'est pas bien séant. Permettez que moi-même... » Christine ne daigna pas répondre, mais, tournant la tête vers son malencontreux conseiller, elle lui jeta un regard si impérieux, si menaçant, que le pauvre homme en resta comme pétrifié. « C'est un enlèvement, sarpe-jeu !» disait la Roche-Boisseau, qui dissimulait mal son dépit sous une gaieté forcée. « Oui, c'est tout à fait un enlèvement. Eh bien, père prieur, que pensez-vous de votre timide pupille ?»« N'ayez pas de mauvaises pensées, messieurs, » dit le religieux en s'adressant aux personnes présentes. « Ces enfants sont innocents comme Adam et Ève au sortir de la main de Dieu. » Il fit un signe à la sœur Magloire et tous les deux s'empressèrent de rejoindre les jeunes gens. Une heure après, les hôtes du château de Mercoire s'étaient séparés et le baron de la Roche-Boisseau se promenait tout pensif dans sa chambre, réfléchissant aux événements de la journée. « Oui, oui, » murmurait-il, « ce jeune étourneau, ce moinillon manqué, aime Mademoiselle de Barjac. Je m'en étais douté ce matin en voyant avec quelle chaleur il parlait d'elle. Ils se sont vus dans leur enfance et l'amour qui vit d'opposition et de contraste. Mais elle, pourrait-elle aussi l'aimer? Là est la difficulté. Elle s'est presque compromise pour lui ce soir, et de la part d'une autre. Cette conduite imprudente eût été significative, mais avec cette créature sauvage, toujours extrême dans ses impressions comme dans ses désirs, peut-on être sûr de quelque chose? Si pourtant elle l'aimait. Cela est absurde, donc cela pourrait être. Dans ce cas, un pareil amour n'aurait pu échapper à la pénétration du madré prieur. Or, le prieur ne voit pas d'un mauvais œil cette intimité naissante et l'on croirait, Dieu me damne, qui la protège. Est-ce qu'il aurait la pensée? Diable, je suis peut-être sur la voie des découvertes. Il accéléra le pas, comme pour aider le travail de son intelligence. Plus de doute, reprit-il enfin en se frappant le front. C'est de la politique de couvent, tortueuse comme la marche du reptile. Ce moine ambitieux a conçu le projet de faire la fortune de son parent en lui donnant la main de la riche héritière. Il est tout puissant à Frontenac, il a l'expérience des sommes, une merveilleuse subtilité. Il doit manœuvrer pour atteindre ce résultat et il attise, autant qu'il est en lui, l'affection mutuelle de ses deux enfants. Mais s'il en était ainsi, et il en est ainsi, j'aurais affaire à forte partie, et je ne pourrais me tirer de là que par un coup de maître, un coup hardi, rapide, qui frapperait comme la foudre. Il fit encore quelques tours en silence. Bientôt, un sourire amer se joua sur ses lèvres. « Allons, » poursuivit-il, « je puis avoir mon tour. Christine m'a reçu ce soir avec un plaisir, une cordialité, une distinction qui n'ont échappé à personne et qui m'ont fait bien des jaloux. Pourquoi la balance ne pencherait-elle pas encore en ma faveur ? Vienne une occasion favorable, qui se présentera, si je le veux. Oui, il n'y a plus à hésiter. Je leur enlèverai cette charmante créature, si séduisante, jusque dans ses caprices et ses folies. Elle me montre une confiance absolue, elle m'aime aussi, peut-être. D'ailleurs, je l'ai dit, il faut qu'elle soit à moi. » Fin de la section 6, lue par Ulrike Denis, Milan.